Chapitre 22. Pris au piège. C'était un bruit si léger, si faible, que seul une ouïe hypersensible pouvait le discerner de la confuse multiplicité des bruits, presque imperceptibles, entremêlés et associés, qui font de nuit le calme somnolent de toute habitation humaine. Lagnard, à qui l'habitude avait enseigné l'art d'écouter, savait que la paix nocturne de chaque intérieur déterminé à son rythme propre, sa cadence spéciale de son subtil mais harmonique, dans lequel l'introduction d'un son étranger produit une dissonance immédiate, cadence à laquelle, tout en étant à son travail, il lui fallait prêter une attention subconsciente, en sorte que la moindre altération de la norme pût lui donner l'éveil. Or, dans le silence de cette vieille demeure, il saisit une légère note discordante qui avait quelque chose de furtif, une note telle qu'aucun de ses gestes n'en avait provoqué depuis son entrée ici. Il n'était donc plus seul, et partageait la vide magnificence de ses salons avec un être dont le dessein était aussi furtif, aussi secret, aussi précautionneux que le sien. Non pas un domestique éveillé par un pressentiment du danger, mais quelqu'un qui n'avait pas plus que lui le droit d'être là. Et, comme il restait en alerte, le bruit se renouvela d'un point moins éloigné, ce qui dénotait que le nouvel intrus se dirigeait vers la bibliothèque. En deux rapides enjambées, Lagnard quitta l'abri du paravent et alla se poster dans l'embrasure de l'une des hautes fenêtres, derrière ses lourdes draperies de velours, et son geste ne pouvait être plus opportun, car il était à peine dans sa cachette qu'une ombre se glissa dans la bibliothèque, fit halte devant le pupitre massif et explora la pièce avec le jet lumineux d'une forte lampe de poche. L'éclair initial de celui-ci frappa droit dans les yeux de Lagnard, qui regardait par une étroite ouverture des rideaux, et l'éblouit. Aussi, bien que la lumière s'éloignât aussitôt, durant quelques minutes, une tache de couleur irisée et fondante lui parut osciller comme un rideau dans les ténèbres, et il ne vit plus rien distinctement, plus rien que le sillage tracé par ce jet d'encens de lumière sur les parois des meubles. Quand à la fin, sa vision s'éclaircit, le nouveau venu s'était agenouillé à son tour devant le coffre-fort. Mais il lui fallait plus de lumière, et le personnage, qui manquait de la patience et de la soigneuse prudence de Lagnard, retourna au pupitre et y prit la lampe de lecture qu'il transporta sur le parquet derrière le paravent. Mais avant même que le flot de lumière ne suivît le déclic assourdi du commutateur, Lagnard avait reconnu cette femme. Durant un instant, il se sentit stupéfait, à demi étourdi, suffoqué, à peu près comme il l'avait éprouvé alors que les doigts de Greg lui serraient le gosier en cette nuit vieille d'une semaine à l'hôtel Troyon. Il éprouvait une réelle difficulté à respirer et il avait conscience d'un battement vertigineux dans ses tempes et d'un martèlement dans sa poitrine, pareil au tocsin d'une grosse cloche. Il restait ébahi, vacillant. La lumière ruisselant de l'abat-jour opaque inondait la porte du coffre, qui la réverbérait sur le visage attentif et masqué de la jeune fille, faisant ressortir en silhouette aiguë son corps svelte et gracieux, indubitablement identifié par l'attitude originale de sa tête et de ses épaules et la jolie coupe de son vêtement tailleur. Elle était tout en noir, jusqu'à ses mains, mais aucune autre trace de blanc ni de couleur n'apparaissait que la courbe fine de ses joues, par-dessous le masque, et le rouge de ses lèvres. Et s'il eût fallu plus d'évidence à Lagnard, le savoir avec laquelle elle attaquait la combinaison, la précision assurée distinguant tous ses gestes, lui montrait qu'elle était bonne élève en cet art. Ses pensées étaient en plein désarroi. Il comprenait que ceci expliquait bien des choses, qui lui eussent paru suspectes si son engouement ne lui avait défendu d'y réfléchir, de crainte de faire injure à cette femme qu'il adorait. Mais, dans l'angoisse de cette heure, il ne pouvait garder qu'une pensée, et celle-ci le possédait entièrement, à savoir qu'il fallait d'une manière ou d'une autre la préserver de commettre le forfait qu'elle méditait. Mais, comme il hésitait, elle s'aperçut de sa présence. Bien qu'il n'eût fait aucun bruit depuis l'entrée de Lucie, bien qu'il n'eût pas même remué, néanmoins, elle devina qu'il y avait dans l'embrasure de la fenêtre quelqu'un la regardant. Sur le point d'ouvrir le coffre, usant des notes de la combinaison que Lagnard avait griffonnée en sa présence, il la vit s'arrêter, se figer dans une pose attentive, puis diriger les yeux en plein sur la portière qui le dissimulait. Et durant une seconde interminable, elle resta agenouillée là, tellement immobile qu'elle ne semblait même plus respirer, le regard fixe et horizontal, attendant qu'un bruit, qu'un signe, qu'un frémissement des plis des rideaux vint confirmer ses soupçons. Lorsqu'enfin elle se releva, ce fut d'un geste prompt et alerte, et quand elle fit halte, ses frêles épaules redressées et sa tête rejetée en arrière avec défi, comme quelqu'un attiré par une volonté étrangère, sous son regard, il s'avança dans la pièce. Et comme il n'était plus le loup solitaire désormais, mais simplement un homme en détresse, sans aucune pensée pour ce qui les entourait, car le fait qu'ils étaient tous les deux des cambrioleurs et que le moindre bruit pouvait mettre toute la maison en branle-bas lui échappait, il fit un pas hésitant vers elle, s'arrêta, leva la main en un geste de prière et balbutia. « Lucie ? Vous ?» La voix lui manqua. Pour toute réponse, elle recula, comme s'il avait voulu la frapper, jusqu'au moment où la table l'arrêta, et elle s'y appuya, comme prête à tomber. « Oh ! » s'écria-t-elle tremblante. « Pourquoi ? Pourquoi avez-vous fait cela ?» Il eût pu lui répondre de même, mais il était incapable de se défendre. Il ne sut lui dire, parce que ce soir, vous m'avez fait perdre la foi en vous, et que j'ai pensé vous oublier en allant au diable par le plus court chemin que je connaisse, celui-ci, bien que ce fût vrai. Il ne sut lui dire, parce que voleur dès l'enfance, l'habitude s'est montrée plus forte que moi, et que je n'ai pas pu soutenir la tentation, car cela n'était pas vrai. Il ne sut que baisser la tête et murmurer cet aveu misérable. Je ne sais pas. Comme s'il n'eût rien dit, elle s'écria de nouveau. Pourquoi ? Oui, pourquoi avez-vous fait cela ? J'étais si fière de vous, si sûre de vous, qui étiez rentrée dans le droit chemin à cause de moi. Cela eût compensé. Tandis qu'à présent... Sa voix se brisa en un petit sanglot. Compensé ? Répéta-t-il niaisement. Oui, compensé. Elle leva la tête avec un mouvement d'impatience. Pour ceci, comprenez-vous ? Pour ceci que je fais ? Vous n'imaginez pas que je suis ici de ma propre volonté, que je suis retournée auprès de Bannon pour autre chose que pour essayer de vous sauver. Je connaissais son pouvoir, et vous pas. Je savais que si je m'en allais avec vous, il n'aurait plus de repos avant de vous avoir fait assassiner. Et je croyais que si je pouvais l'induire en erreur par des mensonges pour quelque temps, assez longtemps pour vous permettre de fuir, je pensais que peut-être je serais à même de communiquer avec la police, de le dénoncer. Elle s'interrompit, hors d'haleine et suppliante. Dès les premiers mots, il s'était rapproché d'elle, et toute leur conversation s'était tenue en murmure. Mais ce fut entièrement machinal, car tous deux avaient oublié toute prudence. La seule idée claire de chacun était qu'à présent, et une fois pour toutes, il fallait en finir avec les malentendus. Aussi naturellement que s'ils eussent été déjà des amants, Lanière prit sa main et l'emprisonna dans les siennes. « Vous m'aimez à ce point ?»« Je vous adore !» lui déclara-t-elle. « Je vous aime à un tel point que je suis prête à tout sacrifier pour vous. Ma vie, ma liberté, mon honneur. »« Taisez-vous, ma chérie, taisez-vous » supplia-t-il à demi éperdu. « Je dis bien, si l'honneur pouvait me retenir, croyez-vous que j'aurais pénétré ici cette nuit, afin de voler pour le compte de Bannon ?»« Il vous a envoyé, hein ?» fit Lanière d'une voix âpre. « Il a été trop malin pour moi. J'avais peur de vous le dire. Je voulais vous dire... vous avertir, ce soir dans la voiture. Mais quand j'ai cru que peut-être, si je ne disais rien et vous renvoyais avec la plus triste idée de moi, peut-être vous vous seriez sauvé et m'auriez oublié. Cela, jamais. J'ai fait de mon mieux pour le tromper, mais n'ai pu y réussir. Ils m'ont arraché la vérité par des menaces. Ils n'ont pas osé. Ils osent tout, vous dis-je. Ils connaissent suffisamment ce qui est arrivé par leurs espions. Pour aller de l'avant, ils m'ont tourmenté et menacé jusqu'au moment où j'ai cédé, et où je leur ai dit tout. Et quand ils ont appris que vous aviez rapporté les bijoux ici, Bannon m'a ordonné d'aller lui rapporter à lui, ajoutant que si je refusais, il vous ferait tuer. J'ai tenu bon jusqu'à ce soir, puis, juste comme j'allais monter me coucher, il a reçu un coup de téléphone et m'a dit que vous conduisiez un taxi, que les Apaches vous poursuivaient et que vous auriez cessé de vivre avant le jour si je persistais dans mon refus. Vous êtes venu seul ? Non, Trois hommes m'ont accompagné jusqu'à la porte. Ils m'attendent dehors, dans le parc. Des Apaches ? Deux. L'autre est le capitaine Ekstrom. Ekstrom ? S'écria Lagnard consterné. Est-il... Le claquement lourd et pesant de la grande porte qui se refermait lui coupa la parole.